Je ne comprendrai jamais pourquoi tu dis que ces gens ne sont pas comme toi. Tu les trouves feignants ou être provocateurs, mais quand je te regarde, tu ne te fais pas honneur. Tu dis que tu travailles de tout ton cœur, mais moi je ne vois qu'un sale branleur qui branle ses idées de facho. Un jour essaye d'utiliser ton cerveau. Facho, facho, vous n'êtes pas le peuple élu, mais regardez vos têtes de cul. Imaginez même pas nous gouverner, vous n'êtes ce bon qu'à embaucher. Facho, facho, vous n'êtes pas le peuple élu, mais regardez vos têtes de cul. Le seul dialogue qu'on aura sera peut-être salué plus qu'à toi. Je ne veux même pas comprendre pourquoi tes parents t'ont laissé vivre comme ça. Tu ne mérites même pas d'avoir vu le jour. Avec tes idées déplacées, tu préfères demi-tour. Facho, facho, je crie ton nom bien haut. L'histoire des gens en veulent à ta peau. Facho, facho, je crie ton nom bien haut. Peut-être qu'un jour on te retrouvera en morceaux. Facho, facho, vous n'êtes pas le peuple élu, mais regardez vos têtes de cul. Imaginez même pas nous gouverner, vous n'êtes bon qu'à embaucher. Facho, facho, vous n'êtes pas le peuple élu, mais regardez vos têtes de cul. Le seul dialogue qu'on aura, ce sera peut-être salué puis qu'à toi.